Mardi 23 octobre 19h30. Ils sont partout. Je ne sais pas combien ils sont, ni pour combien de temps, mais ils sont partout. C'est vrai qu'on les voit depuis quelques jours, y compris dans le quartier des isolés. De véritables fouines. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir idée de venir fouiller jusqu'ici. Il faut avoir le cœur bien accroché. Il y en a même un qui prend des photos. Je suppose que c'est pour son album de famille. Je plaisante. Y avait-il besoin qu'on dépêche une armada d'inspecteurs pour constater l'état de notre prison? Ça fait des années, des siècles, peut-être même des généalogies entières que c'est ainsi. Et ça ne changera pas. Les baumettes sont comme ces HLM construits dans les années 70, mal bâties. Avant même que d'être achevées, elles tombaient déjà en décrépitude. Une erreur de conception, je suppose. L'architecte qui a conçu ces murs aurait mérité d'y être incarcéré. Mais l'architecture ici, ce n'est pas ça le pire. Elle a même, si j'ose dire, un certain charme. Celui des orphelinats et des anciennes maisons de correction. La hauteur des bâtisses, les casernements, tout ça mériterait d'être classé aux monuments historiques. Pour peu, on devrait organiser des visites touristiques. Voyage dans les Calanques, parc national, détour par les Baumettes, n'oubliez pas de prendre le billet à retour. Un peu comme on se rend au château d'If en été. Une prison en vaut bien une autre. Ici, bien sûr, pas d'Edmond Dantès ni d'Abbé Faria. Seul Christian Ranucci, entre ces murs, et plus tard, ou bientôt, Bruno des Baumettes, et peut-être aussi, d'autres moins célèbres. Je plaisante là aussi. La saleté, le manque d'hygiène, les rats partout, ça non plus ce n'est pas le pire. On finit par s'habituer les uns aux autres. Par cohabiter en toute intelligence. Le pire ici c'est peut-être nous-mêmes. Mais ça, il ne faut pas le dire. Bien sûr, surtout, ne jamais tomber malade. Mon Dieu, ne jamais tomber malade ici. Je veux dire gravement. Comme Marvin, par exemple, ou comme Dété la Fortune. Je me dis, j'espère que je ne vais pas en plus attraper le sida. Il ne manquerait plus que ça. Je ferai gaffe en tout cas. J'ai promis d'être sage. Cet après-midi, pendant que je suis descendu en promenade, un des inspecteurs de la brigade d'inspection est passé dans notre cellule. Il a été reçu par Jean-Marie qui lui a offert le café. Jean-Marie s'est recevoir. L'interview a duré une heure entière, en tête-à-tête et sans gardien. À midi, en prévision de l'entretien, Jean-Marie avait pris la peine de rédiger un petit pense-bête. Une liste de tout ce qui ne va pas. La liste est longue. Il me l'a lui-même proposé de la compléter. À part les douches où on risque de se faire tuer, je n'ai rien à signaler, pas de lézard. Les Baumettes sont un lieu de villégiature impeccable. J'y subis ma peine doublement, triplement, et voilà bien tout ce que je mérite. Nous subissons tous ici ce que nous méritons. Et encore sommes-nous trop bien traités. Ailleurs, on nous réserverait un sort moins enviable, lui dis-je sans plaisanter. Au Soudan, on coupe les mains aux voleurs. À nous, ils nous couperaient les couilles. Ah oui. Je propose à Jean-Marie de bien leur montrer le petit bocal dans lequel il a recueilli les petits cailloux, parfois gros comme des œufs de pigeon, que de temps en temps on nous jette depuis les cours. Ce sera ma pierre à l'édifice. Peut-être pourrait-on y apporter remède. Peut-être pourrait-on dans les cours planter du gazon à la place. Parle-leur aussi de l'idée du tri sélectif. Ça les amusera. Inspecter les Baumettes, ça doit pas être drôle tous les jours. Bientôt, c'est la Toussaint. Dans quelques jours nous n'entendrons plus parler de ces importuns. Sûrement, ils publieront un rapport édifiant sur l'état des Baumettes. Un rapport qui finira sur une étagère déjà poussiéreuse à côté d'autres rapports, poussiéreux. De toute façon, tôt ou tard, tout finit en poussière ici-bas. Amen.